Bien sûr, il y a le répertoire des bords, le répertoire des balles. Bon, les balles, il y en a un peu pour tous les goûts, puisque vous avez la salle, il y a plusieurs salles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à un bal au Kursaal. Il y a les, bon, il y a la salle, on va dire la salle Ibiza, où on a tous les airs à la mode, hein, où c'est les gens dansent, voilà. Puis il y a bien sûr la grande salle, le cœur du réacteur pour pour les carnavaleux, hein, donc. C'est vrai que les gens s'imaginent que dans les bals de carnaval, bon, les bals sont organisés par les associations philanthropiques, hein, les Petits Louis, les Acharnés et les Corsaires. Donc il y a que des chansons de carnaval. Non, non, il y a d'autres. On a accès à notre répertoire. C'est un bal, on peut danser. On ne connaît pas forcément les airs de carnaval. On peut danser sur beaucoup d'autres airs. Donc les chansons, j'ai évoqué le tambour major. Le tambour major avec son. Alors le tambour major, il a un uniforme un peu de la garde napoléonienne, un chapeau à poids, il a une canne, c'est vrai que c'est tout un. Alors le tambour major il est assisté d'une cantinière. Une cantinière, voilà, donc. Et donc tous les tambours-majors ont leur cantinière. Alors maintenant, tambour-major, il y a quelques femmes, il y a quelques femmes qui ont percé, puisque c'est une confrérie qui est restée jusqu'à très récemment exclusivement masculine. Maintenant, il y a je crois qu'il doit y avoir deux femmes qui sont deux jeunes femmes qui sont tambours-majors. Hein, fut un temps, c'était, on va dire, inenvisageable. Hein. Donc là, c'est les cantinières et sur fond la fameuse mosaïque dont je vous ai parlé, donc Copinard avec son avatar en tablier Vichy. Donc toutes les communes ont leur carnaval. Là, c'est une goélette représentative de la pêche à Islande. Donc elles étaient toutes ancrées dans le bassin du commerce. Voilà, donc les vocations de la pêche à Islande avec Gravelines. Hein, donc c'est l'Islandais, c'est le géant de la ville de Gravelines, l'Islandais. Donc ce géant reprend bien sûr le costume traditionnel de l'Islande, des pêcheurs à Islande qui étaient très. Bon, il fallait qu'ils soient bien protégés des intempéries. Alors là, c'est une. La photographie d'une personne qui a existé, hein, c'est Manoche qui a cassé sa jambe de bois sur le péristyle de Saint-Éloi, hein, Manoche. Alors Manoche, c'était une femme qui habitait la basse ville. Hein, la basse ville, c'est pas loin d'ici, hein, on traverse le canal et puis on est en basse ville. Ouais, on va dire au bout de la rue. Et cette Manoche habitait la rue du Milieu, aujourd'hui c'est la rue de l'Abbé Choquet. Et à l'état civil, c'était Stéphanie Dimanche. Hein, l'état civil, on a retrouvé son état civil. Et bon, elle vivait de petits boulots, elle ravaudait. Bon, elle mendiait bien sûr à l'occasion. Elle mendiait pour un canche de pain. Hein, si elle faisait la mendicité, c'était un canche de pain, c'est-à-dire un morceau de pain en acarquois. Et donc la tradition veut qu'elle ait cassé sa jambe de bois sur le fameux péristyle de Saint-Éloi. Donc ça, c'est la façade de Saint-Éloi avant la façade actuelle. Hein. Là, cette façade remonte à la fin du XVIIIe siècle, donc quelques années avant la Révolution. Et c'est l'époque où on a définitivement séparé la tour clocher, le beffroi, qui est classé à l'UNESCO, et du reste de l'église. Donc il fallait bien sûr cette séparation entraîner la création de la rue qui est actuellement la rue Clémenceau, qui s'appelait la rue de l'église auparavant. Donc il a fallu construire une façade, on va dire, imposante. Et la ville de Dunkerque a fait appel à un architecte très connu parisien, Victor Louis. Victor Louis a construit à Paris les bâtiments qui donnent sur le jardin du Palais-Royal. Il a construit le Palais-Royal, il a construit aussi la Comédie-Française. Et à Bordeaux, il a construit le fameux Grand Théâtre. Donc ce péristyle a été inauguré en 1785. Malheureusement, il n'a pas résisté plus d'un siècle, puisque La pierre ne résistait pas au climat dunkerquois, donc elle s'effritait, comme on dit à Dunkerque, elle tombait en snotte, ce qui fait que progressivement, il a fallu mettre des abris pour permettre aux fidèles et aux visiteurs de ne pas recevoir des éléments qui se détachaient de la façade. Donc, c'est dans les années 1885 que la façade a été détruite et qu'on l'a remplacée par la façade actuelle, hein, qui date de 1889. Donc, c'est sur ce fameux péristyle que notre Manoche a cassé sa jambe de bois. Hein, donc, vous avez connu Manoche, ça c'est un bon petit coach. Elle a cassé sa jambe de bois sur le péristyle de Saint-Éloi. Un bon petit coach, c'est une bonne fille, une bonne gamine, ça veut dire en dunkerquois. Donc, c'est vrai que c'est pas sa jambe valide qu'elle a cassée, c'est sa jambe de bois. Voilà, donc des personnages qui ont existé. Donc la Manoche a été à un moment le géant de la ville de Saint-Paul-sur-Mer. Il serait question de la recréer. Elle a été un petit moment. En Flandre, là, les carnavals sont un petit peu différents. Par exemple, Cassel. Bon, Cassel, c'est le lundi de Pâques. Cassel, c'est une cavalcade. Bon, qui commence le matin de bonne heure par le réveil de Cassel, puisqu'on fait un maximum de bruit aux quatre points cardinaux, donc on réveille Cassel. En général, les gens sont plus que réveillés. La dernière fois que je l'ai fait, bon, je ne le fais plus, ça fait quelques années, la dernière fois que je l'ai fait, je me souviens, la maison de retraite, tous les patchs et matchs, les papis, mamies de la maison de retraite nous attendaient, ils étaient tous debout. Hein. Voilà, donc c'est vrai, Cassel, c'est bon, Bayeul, c'est différent aussi. Donc c'est vrai que cette bande des pêcheurs avec cette chabon dessus, ces mouvements, voilà, c'est spécifique vraiment à l'agglomération. Au-delà, c'est autre chose. Hein. Et bon, la dernière bande, c'est Pied de Gamme. Hein, c'est Pied de Gamme. Pied de Gamme, on dit, c'est le carnaval des femmes. Et Pied de Gamme, c'est le carnaval des barbecues. Parce que tout le monde, comme il fait beau, c'est en général le fin mars, au mois d'avril. Les gens viennent avec des... Bon, il n'y a pas beaucoup de... Pied de Gamme, c'est une commune rurale. À moins de connaître l'habitant, il n'y a pas beaucoup de possibilités de chapelle. Donc, les gens font chapelle, ils viennent avec le coffre plein. Et donc, ils sortent la table, les chaises, le barbecue. Et donc, on offre des saucisses merguez un peu à la cantonade. Hein. Voilà, donc c'est Pied de Gamme, la dernière grande bande. Alors, il y a aussi les paroles qui évoluent. Donc là, c'est la pompe qu'il y avait. C'est le regard d'une citerne qui se trouvait au niveau du Grand Moria. Grand Moria, c'est très connu, c'est le premier café. Quand vous venez de l'église, sur la plage, vous arrivez plage en bas, sur la gauche. Donc sur la façade du Grand Moria, il y avait sous le bâtiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait une citerne qui datait de Vauban et qui recueillait les eaux de pluie de l'église Saint-Éloi. Donc cette citerne, bon, elle servait, les hommes se mettaient dans l'eau connure et puis essayaient d'allumer leur pipe ou leur cigarette. Donc il y a « Allume ta pipe à la pompe et dis que t'as mal à ton ventre. Oh là là, j'ai perdu ma flamme, oh là là, et mon âme aussi. Hein, » Donc c'est devenu avec l'évolution, les gens qui ne comprennent pas forcément. « Oh là là, j'ai perdu ma femme, oh là là, et mon homme aussi. » Alors, j'ai perdu ma flamme et mon âme aussi. Bon, ce qui, d'après la tradition, qui était très. Bon, très, bon, les explications qui sont données par les anciens, notamment Jean Chatroussa, et Feu Jean Chatroussa, il y avait sur la façade latérale de l'église Saint-Éloi, donc il y avait. Aujourd'hui, il y avait trois travées qui reprennent la façade, et la travée centrale, il y avait une porte. Donc c'est une porte latérale qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle a été supprimée dans la restauration d'après-guerre. Donc les hommes sortaient par là, et donc ils pouvaient aller allumer leur pipe à la pompe, leur pipe, leur cigarette à la pompe. Donc en général, ils prétextaient d'avoir mal au ventre, donc tout ça, c'était... ça repose sur des, on va dire, un peu de vérité, quoi. Après, on brode autour, allume ta pipe à la pompe et dit que t'as mal à ton ventre. Bon, c'est vrai que l'eau n'était pas pour pas la consommation, parce qu'il valait mieux la faire bouillir. Donc tout a disparu avec la, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale. Hein.